alors, je suis tu. Rui, chupoté à l'œil. Paye-lui, terre aille. Paye-lui la pure aille. Chopez à l'oseille. Puis, poté chaleur. Issu au théâtre. Puis, chuchoté à l'oreille. Somme sous l'enclair, namble et sème et sort la d'ombre, naine l'âme, et la irée d'en dessous, semble et camble éclairé en l'air sombre, lancez doux, est-ce ma irée? Scène semble homérée, ambrée, omblée, et la irée d'en de loup, la sombre scène semble éclairée d'en dessous. Oh, Thank you. Primo, sono Anna. sang, messieurs, aux routiers, avance, recommence. Laisse-moi qu'un gorge prend ton métro. Laisse-moi nater sans fort pour exploser. Laisse-moi qu'un gorge prend ton métro. Ferme la droite. soit net sa foire pour explorer. J'ai regrené au roi, je peux le tisser son fil, mais ça ne va pas le faire. Soit net sa foire pour explorer. Por salmio casa. Donde el macho se cama, soy mío, salvo para que el macho se cama.